Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'élection québécoise du 22 juin 1960. Mesdames et messieurs, il nous est impossible, ou enfin il ne serait peut-être assez pénible, d'attendre le résultat final des élections ce soir. Nous terminerons cette émission en faisant lecture de deux bulletins de nouvelles provenant de deux agences de presse différentes. L'agence de presse, la presse canadienne, L'Espoir, à 11h46, que l'Union nationale a été défaite par une faible marge. D'après l'agence United Press International, le Parti libéral a été porté au pouvoir ce soir dans le Québec avec une majorité de 2 sièges, mais à Joliette, toutefois, le premier ministre, M. Barrette, a refusé de concéder l'élection jusqu'à maintenant. Le soir du 22 juin 1960, le résultat est si serré dans une vingtaine de circonscriptions du Québec à peu près que les Québécois vont s'endormir sans avoir une idée claire du résultat de cette élection pourtant historique. Ce soir-là, le Parti libéral de Jean Lesage chasse l'Union nationale du pouvoir après 16 ans de présence ininterrompue à Québec. Les libéraux vont remporter finalement 51 sièges en récoltant 51% du vote exprimé. L'Union nationale en conserve 43 sièges avec 47% des voix exprimées. L'élection du 22 juin 1960 marque une charnière dans l'histoire politique du Québec. Elle termine un cycle politique et lance ce qu'on va appeler la Révolution tranquille. Avec tous les libéraux, je suis extrêmement heureux que l'Union nationale ait enfin décidé de tenir des élections générales dans la province. Elles auront lieu le 22 juin. Et nous sommes prêts. Nous avons une excellente équipe, bien organisée, prête pour le gouvernement. Et nous sommes assurés de la victoire. Quant à l'Union nationale, ce n'est pas moi qui le dis, c'est son ancien chef qui disait qu'un gouvernement de plus de 15 ans est un gouvernement corrompu. Eh bien, l'Union nationale, elle est usée, vieillie, corrompue par trop d'années au pouvoir. Son sort est scellé. On le répète partout dans la province, il est temps que ça change. Et ça va changer. Quant à nous, nous avons un programme complet de gouvernement que nous rendrons public d'ici une dizaine de jours. Le chef du Parti libéral du Québec, Jean Lesage, le 27 avril 1960, Jean Lesage qui, dès le premier jour de la campagne électorale, donne assez clairement le ton de ce que sera la campagne libérale au printemps de 1960. Pour revivre cette campagne électorale, qui va mener donc à l'élection du gouvernement libéral de Jean Lesage le 22 juin 1960, je reçois Éric Bédard, professeur à la TELUC, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Éric Bédard, bonjour. Bonjour. Quelle importance a cette élection, Éric, cette élection du 22 juin 1960, au palmarès des élections québécoises importantes, où se trouve l'élection de 1960? Si on prend uniquement, disons, le 20e siècle, certainement que l'élection de 1936, l'élection de 1960 et l'élection de 1976 sont parmi les trois élections les plus importantes, celles qui vont marquer un tournant et qui vont marquer les esprits, les gens qui ont vécu ces élections. Donc 36, s'en sont souvenus. Oui. Premier mandat Alors, de Maurice Duplessis. Premier mandat de Maurice Duplessis après 39 ans de pouvoir libéral. 1960, donc élection libérale après le règne de l'Union nationale presque sans interruption depuis 36. Et l'élection du Parti québécois, quand même, un parti souverainiste. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on est conscient, est-ce que c'est avec le recul qu'on réalise que l'élection de 60 est une élection importante, ou si au moment même où se déroule la campagne, on sait que cette élection-là est capitale? C'est difficile à dire. Je pense que les gens, sur le coup, là, à la veille du déclenchement des élections, je ne suis pas sûr qu'ils réalisaient que cette élection était si importante et si historique. Et on a des données qui le montrent bien. Il y a une étude qui a été menée, d'ailleurs commandée par le Parti libéral du Québec, juste après le décès de Maurice Duplessis, une étude du chercheur Maurice Pinard. Et cette étude-là, elle montre que les attentes des Québécois par rapport à la politique en général, mais par rapport probablement même à cette élection en particulier, les attentes des Québécois n'étaient vraiment pas très élevées. Juste pour vous donner quelques exemples. D'abord, le taux de satisfaction de l'Union nationale était très élevé. Oui. 46 % des gens consultés se disaient satisfaits. 17 % uniquement se disaient insatisfaits. Et 23 % n'avaient pas vraiment de réponse. Ensuite, on leur demande, par rapport à la politique, là, on voit une vision désenchantée. La plupart, 44 % des gens, donc une très forte proportion, considèrent que Le Parti libéral au pouvoir serait certainement semblable à l'Union nationale et 73 % des gens considéraient que le niveau de corruption de l'Union nationale était acceptable. Autrement dit, les attentes des Québécois par rapport à l'honnêteté de leurs politiciens, par rapport à leur capacité de vraiment changer les choses, étaient très, très basses. Donc, probablement qu'à la veille de l'élection, ils n'avaient pas nécessairement de grandes attentes. Non seulement on ne réalisait pas effectivement l'importance qu'aurait cette élection, puis on revient à ce qu'Henri Bergeron disait au tout début, là, le soir même de la soirée électorale, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer dans cette élection-là. Non, parce que, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup moins de sondages. Là, je vous parle d'une étude qui a été commandée. Je ne suis pas certain que les résultats... Je pense que les résultats ont été seulement révélés au chef du Parti libéral du Québec, au leader. Mais durant la campagne, il n'y a pas vraiment il y a pas de sondage d'opinion. Donc, c'est une véritable surprise. C'est-à-dire que on ne sait pas ce qui va se passer. Alors qu'aujourd'hui, on a presque des sondages aux 2 ou 3 jours et des tendances. Hein, et je ne suis pas sûr d'ailleurs que c'est très sain pour la démocratie d'avoir autant de sondages, puisque ça fait un peu comme si les dés étaient joués. Ça participe. En tout cas, ça influence le déroulement même d'une campagne. Ça influence les gens qui peuvent s'en désintéresser. Ouais. Alors que lors de l'élection de 1960, il n'y a pas de sondage d'opinion. Bon, cette étude, vous le disiez, elle est réalisée, c'est cocasse, parce que les résultats sont plutôt favorables à l'Union nationale, mais elle est réalisée à la demande, c'est une commande du Parti libéral du Québec, juste après, donc, le décès de Maurice Duplessis. Ça nous amène à reparler de ce contexte, quand même, dans lequel sera déclenchée cette élection. L'Union nationale est ébranlée. Parlez-nous de ce contexte-là. Oui. Au moment où l'élection est déclenchée, ça va mal pour l'Union nationale. Ça va mal pour l'Union nationale qui a été, on dirait, qui est frappée par la malchance. D'abord, le décès de 2 chefs historiques de l'Union nationale. Évidemment, le chef Maurice Duplessis, mort à la fête du travail en 1959. Ensuite, le deuxième, celui qui était le dauphin naturel, qui avait été porté tout de suite au nu par les 2 grands sbires, les 2 grands barons de l'Union nationale, qui étaient Joseph Damas Bégin, qui était député de Dorchester, ministre de la colonisation, mais surtout un organisateur important et très rusé et très fin. Et ensuite, Gérald Martineau, celui qui tenait les cordons de la bourse, qui contrôlait la caisse électorale. Donc, tout naturellement, Paul Sauvé avait été désigné, il avait l'accord de ces 2 grands barons de l'Union nationale, mais lui aussi, il meurt d'une crise cardiaque. Donc, il est remplacé par le troisième choix, qui est Antonio Barrette. Et Paul Sauvé, juste pour parce que c'est important, ça montre la malchance de ce parti. Le chef Duplessis qui meurt en 59. Sauvé, c'est un bon candidat. On mise sur lui. C'est aussi la manière, tout en restant l'Union nationale, d'amorcer une forme de renouveau avec le fameux désormais. Oui, exactement. Alors là, la question du désormais est discutée par les historiens. Alexandre Turgeon a publié un texte fort intéressant là-dessus. Quand est-ce qu'il l'a dit? Est-ce qu'il l'a vraiment dit? En tout cas, il y avait cette impression de changement dans la continuité. Ouais. Alors que, bon, on a... mais bon, il disparaît inopinément. Et là, il est remplacé le 7 janvier 1960 par Antonio Barrette. Antonio Barrette, c'est celui qui est ministre du Travail. On le surnomme le ministre à la boîte à lunch. C'est un autodidacte. Ce n'est pas un avocat, comme la plupart des politiciens de sa génération. Un machiniste, hein, je pense. Un machiniste, un ouvrier, mais un autodidacte, c'est-à-dire quelqu'un qui avait beaucoup lu, qui avait une belle culture personnelle, qui avait une belle prestance, qui se présentait très bien. Autrement dit, qui n'avait pas la langue de l'homme de la rue parce qu'il était ouvrier, un peu populiste. Il ne faut pas penser ça parce qu'il était autodidacte. Alors, c'est lui qu'on choisit, mais lui, il s'entend plutôt mal avec Joseph Damas, Jodé Bégin et Gérald Martineau. Le courant ne passe pas entre les deux. Et l'équipe de l'Union nationale, c'est une équipe qui vieillit. Ouais. Alors, les figures montantes, c'est Daniel Johnson, député de Bagot, mais aussi Jean-Jacques Bertrand, Missisquoi. Et ces 2 députés ont accédé seulement au cabinet en 1958. Moi, j'ai toujours eu l'impression que la véritable relève de l'Union nationale, c'était Jean Drapeau. C'était un homme de ce style-là, de ce gabarit, mais il s'était disputé, comme on sait, avec Maurice Duplessis sur l'histoire là, du plan d'Auzois à Montréal, et Duplessis l'avait fait battre. battre par Certeau Fournier, mais ça aurait été peut-être la relève naturelle. Donc, à défaut de ce type de relève, ben, il y a ces deux étoiles montantes, mais qui ont accédé au cabinet très tardivement, oui, en 1958. Et c'est un parti qui n'a pas de programme. C'est très important. Il faut en s'enlever l'idée que les partis, hein, ont toujours des congrès et puis des commissions. C'est un parti qui n'a pas de programme. C'est un parti qui fonctionne dans le fond, dans le vieux gagné. Notre programme, à nous, a été formulé en 1931, déclare Antonio Barrette en pleine campagne électorale. Et les lois actuelles témoignent qu'il a été mis en exécution. Autrement dit, on a fait nos preuves. On est les bons défenseurs du Québec. Faites-nous confiance. Puis ça va continuer comme avant. Et ce sera, en fait, devant lui, Jean Lesage, le chef du Parti libéral du Québec. En fait, ça va être un face-à-face, parce qu'au début, il y avait Michel Chartrand, un parti. Oui, en effet, il y a le Parti social-démocratique que dirige Michel Chartrand et quelques personnalités de gauche, mais faute de moyens, Michel Chartrand annonce en tout début de campagne qu'il ne présentera pas de candidat. Donc, un face-à-face, Union nationale, cette stratégie de la continuité avec Antonio Barrette, pas de programme, notre vieux programme de 31, on sait gouverner. Redonnez-nous un autre mandat. Faites-nous confiance. Et devant ce choix-là, tout autre chose, Jean Lesage, le renouveau, un programme étoffé. Alors évidemment, Jean Lesage, au départ, l'Union nationale le voyait comme un candidat parfait, puisque c'était l'homme qui venait d'Ottawa. Oui. Il avait été ministre fédéral. Et évidemment, le jeu de Maurice Duplessis, ça avait été de présenter les libéraux en face de lui comme des hommes de paille, hein, comme de présenter le Parti libéral du Québec comme la succursale du grand parti libéral fédéral, celui qui avait renié ses promesses durant la guerre, etc. Alors là, Jean Lesage en est parfaitement conscient. Et d'ailleurs, quand il devient chef, certains libéraux craignent ça. Et donc, qu'est-ce que fait Jean Lesage? Ben, il va décider avec d'autres, mais vraiment de rénover, de moderniser son parti. Il va créer avec d'autres, en juillet 1957, la Fédération libérale provinciale, la FLQ, un acronyme qui deviendra célèbre. Ouais. Oui. Et ce qu'il veut faire, c'est ça, c'est un parti moderne avec des membres. Donc, autrement dit, un parti qui n'est pas seulement une machine électorale qui ramasse de l'argent et qui gagne des élections, mais un lieu de réflexion où les membres peuvent s'exprimer avec des conseils qui font des recommandations sur des contenus précis pour attirer des intellectuels, pour attirer des jeunes. Et donc, il y a toute cette vision moderne d'un parti et qui va déboucher sur un programme, programme très audacieux et très intéressant et très, très stimulant. Et face à cette machine, on y revient, à cette machine du renouveau et des idées du PLQ, l'Union nationale, qui, encore une fois, se positionne de manière très prudente dans la continuité, la responsabilité. On écoute le chef unioniste Antonio Barrette lors d'un discours qu'il prononce au tout début de la campagne électorale de 1960. Monsieur Lesage, qui vient faire des promesses partout, à tout le monde, il promet d'ajouter ici, il promet d'ajouter là. Quelqu'un fait une demande, oui, vous l'aurez. Inconséquence, danger de mettre l'administration au nom d'un homme comme ça, qui encore une fois, autrefois, a tourné le dos à sa province et qui maintenant est prêt à tout donner à n'importe qui. Ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Eh bien, pensez-vous que je le voulais, le pouvoir, moi? Pensez-vous vraiment que j'ai désiré être un premier ministre? Non, mes amis. Je vous le dis en toute sincérité et en toute franchise. Ça a été pour moi un devoir d'accepter la fonction. C'est pour ça que je l'ai accepté. Pour servir et pour servir la province. Antonio Barrette, c'est au tout début de la campagne, c'est le jour même du déclenchement, ce discours qu'on vient d'entendre, l'extrait de ce discours qu'on vient d'entendre, Éric Bédard. Est-ce que c'est à l'image de ce que sera ou si ça évoluera du côté unioniste, la campagne électorale de 1960? Non, c'est assez caractéristique. Par exemple, il y a cette rumeur d'un débat télévisé. Hein, déjà, on parle, est-ce qu'on organise ou non un débat télévisé? Antonio Barrette dit peut-être, mais il veut une formule de débat contradictoire devant des partisans. Un peu dans la vieille à la façon des élections traditionnelles, alors que Jean Lesage veut un débat à la télévision, mais avec quelques journalistes qui posent des questions de façon plus moderne, celle qu'on connaît maintenant. Alors, faute d'une entente, il n'y aura pas de débat télévisé. Antonio Barrette, vous voyez, hein, l'homme qui vient d'Ottawa, l'homme qui a renié, c'était comme ça qu'on présentait. Alors là, il y a un problème, c'est qu'en 1960, ce ne sont plus les libéraux fédéraux qui sont au pouvoir, ce sont les conservateurs de John Diefenbaker, qui ont été aidés par la machine de l'Union nationale au Québec, et qui ont remporté d'ailleurs un très grand succès en 1958. Donc, c'est difficile d'associer les libéraux au pouvoir à Ottawa et Jean Lesage. D'autant là, que les libéraux, là, chez eux, vous nous l'avez dit, c'est devenu un parti québécois. C'est là, devenu c'est un parti. D'abord, c'est ça, exactement. Structurellement, il s'est affranchi, il s'est autonomisé par rapport à l'aile fédérale, mais aussi, deux éléments fondamentaux. Il y a un virage nationaliste là, dans le programme du Parti libéral du Québec de 1960, qui est, on sait clair maintenant, rédigé en bonne partie par Georges-Émile Lapalme, le chef précédent, mais qui s'est rallié à Jean Lesage, qui a écrit un document qui s'appelle, qui s'intitule « Pour une politique », qui a été publié plusieurs années plus tard. Alors, il y a vraiment un virage nationaliste. Hein. Le premier chapitre s'intitule « La vie nationale », prévoit la création d'un ministère des Affaires culturelles, d'un office de la langue française, d'un département du Canada français. Alors, il y a toutes sortes de propositions. On envisage la création d'un tribunal constitutionnel, des conférences interprovinciales. On veut construire un État national. Voilà, un État national pour les Canadiens français. Oui. On n'est pas encore dans l'État québécois, mais en effet, on disait le Québec, c'est l'État national des Canadiens français, et on doit jouer ce rôle. Deuxième virage important, et là, c'est une autre dimension, mais la conversion à l'État-providence, au providentialisme. Le Parti libéral d'autrefois, c'était le Parti libéral d'Alexandre Taschereau, était dans un libéralisme classique, donc c'est le marché qui doit réguler les choses. Et l'État intervient très, très peu, sauf pour les infrastructures et certaines questions, l'ordre, la paix. Alors que là, non, il y a vraiment une intervention, un interventionnisme étatique très poussé qui est proposé dans le programme libéral. Et puis le parti du renouveau, on y revient, changement d'air, on entendait Jean Lesage en parler un peu, là, c'est la fin d'une époque au tout début de l'émission. On l'écoute justement, Jean Lesage, nous parler de ce renouveau qui s'adresse aux jeunes. Il faut que tout jeune homme, toute jeune fille qui a le désir, la volonté et le talent de s'instruire puisse le faire indépendamment des ressources financières de ses parents. Et c'est pour cela que nous aurons la gratuité scolaire à tous les niveaux. Nous avons un programme complet de gouvernement. Consultez ce programme. Il a été distribué à travers la province. C'est un programme sérieux. C'est un programme qui est digne de l'équipe qui m'entoure. Une équipe en laquelle j'ai confiance. Des hommes d'expérience. Des hommes dynamiques, des hommes jeunes, qui veulent donner à leur province une administration saine, honnête et progressive. Une campagne libérale, Éric Bédard, où le programme, on vient de l'entendre, il parle deux ou trois fois dans un court extrait de son programme, Jean Lesage. Le programme va être important. Il y a des engagements nombreux, gratuité scolaire, mais plein d'engagements. Une vision aussi, une vision claire. Oui. Alors, il y a une belle citation de Jean Lesage. Il dit justement, on veut une sorte de politique de la grandeur. Il faut que se cesse la survivance. Il faut qu'on soit dans une nouvelle étape d'affirmation de nous-mêmes et le développement d'optimisme, de volonté et la politique et le développement de l'État peut être le vecteur de cela, de ce renouveau. Alors, en effet, donc, il y a des propositions audacieuses, mais ce qu'on doit aussi se rappeler, c'est qu'il n'y a pas de proposition de création, par exemple, d'un ministère de l'Instruction publique, contrairement, même si ça a été réalisé par la suite, on ne propose pas encore non plus, même si on veut créer un ministère des ressources naturelles, des richesses naturelles, mais on ne veut pas, on n'en est pas encore à la nationalisation, hein, qui sera le thème de la campagne de 62. Donc, il y a des propositions audacieuses, mais on ne va pas jusqu'à créer un ministère de l'Éducation. Vous voyez qu'il y avait quand même encore, malgré tout, une forme de prudence ici. Il parle, Jean Lesage, aussi dans l'extrait qu'on vient d'entendre, évidemment, de son équipe, cette fameuse équipe du tonnerre. On écoute René Lévesque en parler de cette équipe-là. Propos recueillis dans un documentaire qui a été diffusé, un documentaire radio diffusé à la radio, donc en 1971. L'équipe du tonnerre, soi-disant, je pense qu'essentiellement, était le mélange du vieux libéral, pilier, qui avait tenu le coup pendant, tu sais, comme tous les vieux partis, mais eux, ils avaient failli y passer, parce que ça faisait quand même 16 ans, c'est long, que l'Union nationale était là. Et puis, il y avait aussi cette recrue de gars comme Gérard Lajoie, éventuellement Kierens, Laporte. Alors, c'était un mélange, je crois, assez hétéroclite. Et je me souviens que dès le début, après l'élection de 60, il y a eu une discussion assez fondamentale au cabinet sur le programme, là, j'identifie personne, mais avec un certain groupe qui disait, bon, ben, le programme, c'était bon pour l'élection, mais maintenant, on devrait mettre ça au panier. Et les autres disant, ben, bon Dieu, si c'était pour ça qu'on s'est embarqué, on serait aussi bien retourné chez nous. Et le sage obligé d'arbitrer ça, ce qu'il a fait d'ailleurs remarquablement en disant, ben, écoutez, le programme, c'est quand même notre feuille de route. Si on ne veut pas faire rire de nous autres, on est mieux de l'appliquer le mieux possible. Mais ça a été, dès le début, une sorte de distinction évidente là, qu'on pouvait établir entre, enfin, si vous voulez, la tradition pour qui l'élection, ben, tu sais, c'est une chose à tous les quatre ans, puis si tu passes à travers, ben, après ça, tu peux oublier. Et là, ça... C'est intéressant ce que nous dit René Lévesque en 71, Éric Bédard. Il y a deux, cette équipe du tonnerre, c'est les anciens et les nouveaux, mais c'est deux visions aussi. C'est la nouvelle vision, celle des jeunes, qui va être mise de l'avant. Oui, en effet. Je pense que c'est une assez bonne analyse, en effet. Il y avait des vieux routiers qui avaient croupi ou qui s'étaient endormis pour dans le programme, c'était accessoire. Ben oui, et puis qui probablement n'étaient pas très pressés de réformer la carte électorale ou les lois sur les financements des partis politiques. Toutes des choses qui tenaient beaucoup à cœur René Lévesque, oui. Et ça va donner donc un mandat, le début de cette révolution tranquille. Mais je reviens, puis on boucle la boucle. Au tout début de l'émission, on le disait, au déclenchement de l'élection, on ne sait pas vraiment qui formera le gouvernement. Et le soir même, Henri Bergeron, qui juste avant minuit, dit aux téléspectateurs, écoutez, on ne peut pas vous donner une indication claire du résultat. Les libéraux passeraient avec une petite majorité. Comment ça se déroule? Cette soirée électorale. C'est une soirée, tout le monde est sur le bout de sa chaise. En effet, et juste pour vous donner un exemple, le lendemain matin, Le Devoir va titrer les libéraux au pouvoir, mais le Montréal Matin, qui est l'organe de l'Union nationale, titre une lutte serrée, l'honorable Barrette réélu avec une majorité accrue. Ouais. Ça, c'est le titre du Montréal Matin du lendemain. En effet, on ne sait pas trop vers où ça va pencher et l'Union nationale, le soir même, ne concède pas la victoire. Alors que Jean Lesage, lui, il va d'un discours triomphaliste. C'est le bon mot. Alors, c'est plus qu'un changement de gouvernement, déclare-t-il, c'est un changement de la vie. Bon, alors... Rien de moins. C'est rien de moins. Cette victoire est la victoire du peuple du Québec. Le peuple méritait cette victoire. Malgré les chaînes, il a voulu se libérer de l'esclavage. Bon, et là, évidemment, en général, vous savez comment ça fonctionne dans le fair-play britannique de nos institutions. On est bon joueur, on est magnanime, on félicite tous ceux qui se sont présentés. Or, un journaliste demande à Jean Lesage, hein, par où allez-vous commencer? La réponse de Lesage, je tiens d'abord à avertir tous les ministres et les fonctionnaires de ne rien sortir du Parlement, nous prendrons les dispositions nécessaires pour que la lumière se fasse sur l'administration nationale. Donc, c'est-à-dire, on veut des policiers aux portes. Hein? Donc, on n'est pas dans la bienveillance, ouais. Dans la magnanimité. On est vraiment dans la suspicion. Et d'ailleurs, dès que le Parti libéral est élu, nomme une commission pour faire enquête sur la corruption de l'Union nationale. Donc, il y a beaucoup de tensions, d'animosité, et ça se ressent durant cette soirée. Oui. Éric Bédard, professeur à la TELUC, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci beaucoup, Éric. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.